gâté, j'ai perdu mon temps, mon cœur est parti avec. Les problèmes vont passer, passer, j'ai perdu confiance, j'ai plus cette force que j'avais. Salanga bisou, hein. Salanga bisou, salanga bisou, hein. Salanga bisou, hein. Salanga bisou, salanga bisou, hein. Oh, j'ai gâté, j'ai perdu mon temps, mon cœur est parti avec. Les problèmes vont passer, passer, j'ai perdu confiance, j'ai plus cette force que j'avais. Tu n'es pas là, t'as des problèmes, je suis pas loin. Tu pars, tu reviens dans ma vie, tu sais mon cœur, ta place est bien là. Aucun message dans mes DM, tu sais mon bébé c'est bête. Mes lendemains sont plus pareils, mes nuits sans toi sont plus des rêves. C'est dead, ah c'est dead. Salanga bisou.